Je n'ai pas souffert. Me voici entier, enlevant les artifices. Nu allongé sur l'autel offert à toi. Balayant les masques et montrant mon caractère. Maintenant mes bourrasques ne peuvent plus t'effrayer. Nos printemps passés constituent des repères. On aimera demain et aujourd'hui comme hier. On m'a immolé. On m'a immolé. On m'a immolé. On m'a offert un printemps sacré, une venue dans ma prière. Tant mieux si et je le vois.